caché, doté d'un incroyable don. Il a des visions, bientôt le baron souverain en sa zone, le chasseur de son trône. Couillon fait partie de cette faune, celle qui se coupe sur la mention pour camoufler ses erreurs. Il le cache, mais face au baron, il a si peur. Il croit encore au bonhomme 7 heures. Le couillon dès le pavillon, que sera pris par le tourbillon. Propulsé par le baron, il chante donc l'occasion de lui imposer le baillon. Mais déception, son triomphe sera que de vaines hallucinations. Peur de spectre, perplexe, l'entité d'une projection futuriste. Sous sa propre défaite, mais tout couillon se manifeste. Vous êtes des gestes désespérés, des gestes futiles à faire passer le test. Mettons ce baron sous baillon, pendant que nous la paix baillerons. Se nous donnons la sincèrement. Se cacher derrière la vertu de deux nobles causes pour le pas perdre le pouvoir et de mettre sa carrière en pause. Tentative souvent de mettre la paille dans l'œil du voisin, afin de cacher la poutre qui se trouve dans le ciel. La peur d'un spectre qui nous laisse en perplexe. Qui du baron ou du couillon subira la défaite. La défaite, la défaite, la défaite. Du baron ou du couillon subira la défaite. Et le grand maître couillon se sent menacé. Rendre les murs de son autorité. Tous les moyens sont bons pour s'en échapper. Il agit en homme, sa volonté. Et le grand maître couillon se sent menacé. La crise d'un adolescent persécuté. Le baron devra tôt ou tard être sacrifié. De son insécurité. Et le grand maître couillon se sent menacé. Rendre les murs de son autorité. Tous les moyens sont bons pour s'en échapper. Il agit en homme. Le grand maître couillon se sent menacé. La crise d'un adolescent persécuté. Le baron devra tôt ou tard être sacrifié. Thank you.